Le spectacle consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a eu lieu le 16 avril au parc de distraction populaire de Rungna à Pyongyang avec thème « Volonté unique ». Y ont assisté Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le premier ministre Park Bong-soo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti et vice-président du comité des affaires d'État de la République, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti, vice-président du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les vice-premiers ministres et les délégués pour les célébrations de la Journée du Soleil. Y ont été invités les groupes de félicitations et délégations des Coréens de la diaspora, y compris le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour la Journée du Soleil, les compatriotes coréens d'outre-mer, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques de divers pays et des organisations internationales à Pyongyang et leurs femmes, les attachés militaires et leurs femmes, ainsi que les autres étrangers en séjour pour célébrer la Journée du Soleil. Sur le répertoire du spectacle, commencé par le prélude exécuté en chœur et danse « Volonté unique », étaient inscrits divers numéros comme « Le récit et le chœur, notre leader »,« Le dieu vocal féminin et le chœur féminin, chant de Mangyongde »,« Le chœur, nous n'avons rien à envier au monde », etc.